Chapitre 9e. Prise au piège. Monsieur Le Noël se promena en voiture avec la Zinzinetta jusqu'à la tombée de la nuit. Il était vraiment dans un état à faire pitié. Le grand air et le soleil lui firent le plus grand mal. Il sentit qu'il perdait la tête. « Dors, lui dit la Zinzinetta avec indulgence, c'est moi qui t'ai fait boire. Je ne puis t'en vouloir et je te trouve bien ainsi. » Elle accompagna cette phrase d'un fin sourire que Monsieur Le Noël ne comprit point. En vain lutta-t-il contre le sommeil. Il fut vaincu et s'endormit. L'air frais du soir l'éveilla. La Zinzinetta surveillait son réveil. « Comment vas-tu ? » lui demanda-t-elle affectueusement. « Tu as encore la tête lourde, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis confus. Laisse donc, » interrompit-elle. « Nous allons dîner. Le vin du Vésuve te guérira du champagne. » Monsieur Le Noël était ainsi violemment jeté en dehors de ses habitudes paisibles. On était devant l'auberge de Coulomerlo, qui, voyant la voiture, se précipita, bonnet en main, pour recevoir les hôtes qui lui arrivaient. Coulomerlo salua la jeune fille à la fois familièrement et respectueusement. Celle-ci lui dit « Occupe-toi de ce pauvre homme et dégrise-le en lui donnant de l'eau tiède pour son visage et du vin du Vésuve pour le mettre en appétit. » Coulomerlo fit l'office de valet de chambre. Déjà Coulomerlo avait vidé son gobelet d'étain. Monsieur Le Noël but à son tour. « Excellent cru, » dit-il. La Zinzinetta causait avec une espèce de mendiant qui se trouvait dans la cuisine de l'auberge. « Tout est donc prêt ?» demanda-t-elle. « Oui, » disait l'homme. « Tu nous laisseras dîner, mais au dessert, vous agirez. Je n'aime pas cet homme, moi. S'il devenait hardi, je le poignarderais. »« Zinzinetta, ma fille, tu es d'une vertu farouche. Serais-tu par hasard une Lucrèce ? Je suis vierge et n'aime qu'un homme au monde et je n'aimerais que lui. Il se nomme le Fulminante. » Le mendiant la regarda avec étonnement. « Tu as vu le Fulminante ? » dit-il. « Jamais, » dit-elle. « Alors comment puis-tu l'aimer ? Parce que c'est un héros. » Beaucoup prétendent connaître le Fulminante. Mais en dehors de la bande des 12 qui sont ses préférés, personne ne l'a jamais regardé en face. Il y a donc plusieurs bandes. Ainsi, personne ne peut dire quel est cet homme qui règne dans la montagne. Personne. Je le verrai, moi. « Tu serais la première. Il a refusé l'amour des plus grandes dames. Je vois les reines. » Le mendiant jeta le regard sur la Zinzinetta et ne contredit point son affirmation. La nuit était venue. La Zinzinetta avait voulu que l'on prépare le dîner dans une chambre ayant vue sur la mer. De là, le regard s'étendait sur un splendide paysage éclairé par la lune étincelante. La ville se déroulait tumultueuse et brillante sous la fumée et la flamme du Vésuve. À l'horizon se dressaient les montagnes où le Fulminante avait établi son royaume. Monsieur Le Noël contemplait cette scène grandiose lorsque la Zinzinetta entra. Quoiqu'il eût dans les yeux les splendeurs de cette nature merveilleuse, Monsieur Le Noël fut ébloui par l'aspect de cette fille dont il se croyait aimé. « Ah, dit-il, vous êtes encore plus belle la nuit que le jour. Asseyons-nous, dit-elle, et dînons, je meurs de faim, mio caro. » Le vin du Vésuve n'avait pas encore produit son premier effet. Monsieur Le Noël avait retrouvé sa verve. Il dîna en débitant des fadaises de vieux galantins. La Zinzinetta eut l'air de l'écouter. Mais peu à peu le bonhomme sentit encore une fois son cerveau s'embrouiller. En vain mit-il de l'eau dans son Chianti. L'ivresse regagnait le terrain perdu. La Zinzinetta en suivait les progrès avec plaisir. Au dessert, Monsieur Le Noël divaguait. Déjà, la jeune fille donnait des signes d'impatience. Quand la porte s'ouvrit, livrant passage à 4 hommes portant le costume légendaire et traditionnel des brigands napolitains. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Le dernier vin du Vésuve paralysait complètement Monsieur Le Noël, sans quoi il eût peut-être fait la folie de résister. Mais il ne se sentait pas de volonté. « Descendez tous les deux !» ordonna le chef. Ils obéirent. Dans la cour, des chevaux étaient préparés. On fit monter en selle les 2 prisonniers. Toute la troupe se dirigea au trot vers la montagne. Monsieur Le Noël faisait de tristes réflexions. Toute la nuit, on voyagea. On changeait de chevaux à des relais préparés d'avance. Monsieur Le Noël dégrisait peu à peu, calcula que l'on avait fait au jour de 25 à 30 lieues. Quand le soleil se leva, il s'aperçut qu'il était en pleine montagne, sur de très hautes falaises, bordant la mer, et l'on fit une halte dans la rosée. « Signor, dit le chef de la bande, vous venez de faire un long voyage et fort peu commandément. Mais il fallait traverser l'Italie en largeur et éviter les villes, bourgs et villages. nous avons dû prendre nos précautions. Heureusement, nous voilà sur le territoire qui appartient sans conteste au Fulminante, et je suis aise de vous offrir à déjeuner ainsi qu'à la Zinzinetta. Devons-nous donc rester ici ? Demanda Monsieur le Noël. Non, signor, répondit le chef. Je dois vous conduire à la grotte. Là, vous serez gardé par nos invalides, qui sont de vieux serviteurs retraités, débris vénérables des plus anciennes bandes. Oh, vous serez là parfaitement. Nos vieux camarades ont conservé bonne et saine tradition des convenances. Monsieur le Noël ne pouvait en croire ses oreilles. Il pensait que les brigands n'étaient polis que dans les opéras comiques. Il abandonna ses membres de l'Uria Canino, qui se montra masseur expert. D'un sac, on tirait des provisions pillées chez Coulomerlo. D'un panier pris dans sa cave, on exhiba, enveloppé dans de la paille, des bouteilles de vin du Vésuve que Monsieur le Noël reconnut. « Ma foi, dit-il en faisant contre mauvaise fortune bon visage, voilà un vin traître. Mais il est si agréable que je ne lui en veux pas. À table alors, signor. » On avait étalé les vivres sur l'herbe, mais la Zinzinetta et Monsieur le Noël s'assirent seuls. « Vous ne mangez pas ? » demanda Monsieur le Noël. « Après vous, signor, dit le chef. « Ah, dit Monsieur le Noël, avec une bonhomie toute française, mettons les cérémonies de côté, à table. » Monsieur le Noël avait une préoccupation. Il se demandait ce que pouvait être cette grotte dont on parlait et qui servait de repère aux bandits. Il questionna le chef à ce sujet. « Signor, lui dit celui-ci, l'Italie est une terre volcanique travaillée par les éruptions souterraines. Ce que nous appelons la grotte est tout simplement une immense excavation qui a plus de 10 lieues d'étendue et qui se prolonge encore. Il y a là des galeries sans fin, s'en allant dans toutes les directions, sous les montagnes. Comme le déjeuner était fini, il se leva, les brigands ayant mangé le reste qu'on leur passait. « Nous partons ? » demanda M. le Noël. « Oui, dit Galli, mais nous allons avoir le regret de vous bander les yeux. « Faites, dit M. le Noël, mais montrant la Zinzinetta, avouez que c'est malheur de cacher ses beaux regards sous un foulard. « Hélas, dit Galli, notre état a des nécessités cruelles, il faut s'y soumettre. » Et il aveugla M. le Noël en lui bandant une ceinture sur les yeux. On arrive. Faites mettre pied à terre aux voyageurs, dit Galli. On donna la main à M. le Noël et à la Zinzinetta. Celle-ci fut conduite par Galli, celui-là par le frère du chef. Ils marchèrent pendant un quart d'heure et ils s'aperçurent qu'ils respiraient un air frais et vif à mesure qu'ils descendaient sur le chemin en pente que l'on suivait. Sommes-nous donc dans la grotte ? Demanda M. le Noël. Oui, dit Galli. « Ôtez vos bandeaux !» Les deux prisonniers obéirent et ils poussèrent tous deux un cri d'admiration. Le spectacle qui se déroulait devant eux était féerique. Monsieur le Noël crut rêver. Il se trouvait sous une voûte si élevée que l'on ne pouvait l'apercevoir, si large, si longue, que l'œil se perdait dans les lointains, sans voir la fin du vide, excepté à droite, où une muraille bordait la grotte. À droite, la lumière pénétrait par de nombreuses trouées faites sur la mer, que l'on voyait lumineuses et calmes, se dérouler sous le soleil d'Italie. Les barques passaient, noires de coques, déployant comme des ailes de mouette leurs grandes voiles triangulaires que gonflaient les plus légers souffles. Le gouffre intérieur dégageait une odeur sulfureuse, et M. le Noël, s'en approchant, s'aperçut qu'il s'en échappait une fumée chaude et empourprée. Il se pencha sur les bords et vit un lac de feu bouillonnant qui roulait les îlots de lave en fureur. De la gauche venaient des bruits sourds, des grondements redoutables et souterrains. On voyait courir dans la pénombre des lueurs étranges, semblables à des éclairs ébauchés. Une âcre senteur passait par bouffées et s'échappait par les fenêtres naturelles donnant sur la mer qui renvoyait des courants d'air purs et frais. « Qu'a-t-il donc de ce côté ? » demanda M. le Noël. « Vous pouvez voir cela par vous-même, dit Galli, la chose en vaut la peine. » Monsieur le Noël se dirigea vers le point que lui indiquait le chef et il arriva au bord d'un abîme. C'était un volcan qui se formait ou qui s'éteignait. Les deux hypothèses étaient admissibles. Monsieur le Noël ne pouvait s'arracher à la contemplation de cette masse de lave liquéfiée et qui semblait de l'or en fusion. Par intervalles, ce lac, qui avait plus de 3 lieues de tour, semblait agité par une rafale subite. De toutes parts, des vagues se soulevaient avec fracas, en dégageant des gerbes de feu, en se frangeant d'une écume étincelante. Un tourbillon se produisait, toutes ces vagues se fondaient en une seule lave qui montait à une hauteur prodigieuse, qui balayait toute la surface du lac de l'est à l'ouest invariablement et qui allait s'abattre contre le granit du bord occidental de ce gouffre effrayant. Monsieur le Noël vit plusieurs fois cette terrible lame se reformer et il commençait à éprouver l'attraction du vertige quand Galli l'arracha à cette fascination. « Seigneur, venez, restez serait dangereux !» Et avec un sourire gracieux, « Je suis sûr que vous serez bien logé. » La Zinzineta a sa beauté superbe, et le Fulminante respecte tout ce qui est beau. Vous, Signor, il paraît que vous valez cher, car vous aurez l'appartement des banquiers, ce sont eux que nous considérons le plus. Lorsqu'on eut tourné la saillie qu'avait désigné M. Galli, M. le Noël vit le campement des bandits. Jamais M. le Noël n'aurait imaginé que l'on pût rassembler sur le même point une quarantaine de têtes aussi effrayantes que celle-là. Qu'on s'imagine les visages énergiques de vieillards qui ont vécu 50 ans sous l'eau des orages, au feu des bivacs, dans le sang des batailles et dans l'orgie du pillage. Qu'on se représente ces figures sur lesquelles les passions les plus violentes ont buriné des rides profondes, sillons des vices les plus terribles. Que l'on encadre ces faces de tigres, de panthères et de lions, avec des barbes longues et de longs cheveux blancs, qui donnent à ces brigands un air de dignité patriarcale. Que l'on relève encore l'expression féroce et criminelle des traits par les mâles stigmates des cicatrices. Que l'on jette sur les épaules et les reins de ces hommes le costume pittoresque des mâles vivants, et l'on aura une idée de ce que vit Monsieur le Noël. Les armes en faisceau offraient cette particularité que les fusils se chargeaient tous par la culasse. C'étaient des martinis enlevés aux soldats. Les revolvers étaient tous de même calibre. Il y avait dans cette troupe une grande uniformité. Dans les armes blanches seulement, la fantaisie se donnait carrière. De longs couteaux, de courts poignards, des haches de main stylets, chacun garnissait sa ceinture à son gré. Comme capitaine, un géant Cascario, qui avait été l'homme de confiance de Fra Diavolo. À cette époque, Cascario avait 82 ans, et il redressait encore si bien sa taille de 6 pieds qu'il n'en avait perdu qu'un pouce avec l'âge. Il semblait qu'on eût taillé ce géant en plein cœur de chêne. Ayant une tête qui semblait ébauchée à coups de hache, une de ces têtes primitives qui ne paraissent pas finies, Cascario, que l'on eût pris d'abord pour une brutine intelligente, avait des yeux ardents, fins, vifs et parfois adoucis par un regard bienveillant. Ses deux prunelles d'un jaune gris rappelaient celles du chien de berger, dont Cascario avait quelque peu les oreilles pointues. C'était du reste un fort brave homme, le meilleur, le plus loyal de la bande. Cascario, à la vue des prisonniers, se leva et vint, avec une grâce incomparable, baiser la main de la Zinzineta, à laquelle il dit « Soyez ici la bienvenue, petite. J'ai beaucoup connu ta mère, qui était charmante comme toi. » La Zinzineta regarda Cascario avec de grands yeux étonnés. Le vieillard sourit. « Tu demanderas à ton oncle, le cocher, si je n'ai pas un peu protégé ton enfance. » Puis laissant la Zinzineta fort surprise, il se tourna vers M. le Noël. « Mille pardons, Excellence, » dit-il. « Cette petite me rappelle de chers souvenirs. Mais je suis tout à vous et vous prie de vous regarder ici comme chez vous. » Il prit son sifflet et l'on entendit une modulation retentir sous la voûte. Partant d'une sorte de chambre formée dans le roc, deux hommes parurent, dont l'un, à la grande stupéfaction de M. le Noël, portait le tablier blanc des cuisiniers. L'autre était facile à reconnaître pour un valet de chambre. « Excellence, » dit Cascario, en présentant ses deux officieux, « vous pouvez donner vos ordres. Voici votre chef et votre valet. Vous prendrez vos repas à vos heures, vous êtes libre de vos actes, et ces deux hommes sont vos serviteurs. » Sifflant encore, il appela par une certaine modulation une femme qui, toute paysanne qu'elle fût, avait fort bonne mine. « Maria, » lui dit-il, « suppose que cette signora soit ma fille et traite-la en conséquence. » Puis, ses premières dispositions prises, laissant la Zinzineta à Maria, il dit à M. le Noël, « Vous plaît-il, Excellence, de voir les chambres et de vous en choisir une ?» Il conduisit M. le Noël dans une suite de cellules, aménagées dans le roc en partie naturellement, en partie par la main de l'homme. Toutes ces chambres avaient vue sur une vaste ouverture qui permettait de contempler la mer. M. le Noël fit son choix. Un coup de sifflet appela le chef, auquel M. le Noël demanda ce qu'il pouvait lui offrir pour le soir. « Excellence, » dit le cuisinier, « J'ai comme poisson du rouget, de la truite et de l'anguille. Comme viande, du filet de bœuf, un gigot d'agneau et un cuisseau de veau. Comme gibier, j'ai des cailles, des perdrix, du lièvre et du coq de bruyère. Comme légumes, j'ai tout ce qu'un jardin peut donner en cette saison. Enfin, je préfère un potage à la bisque ou un riz à la tomate. Mon ami, dit M. Le Noël, je m'en rapporte à vous. Vous voulez pêcher, dit Cascario. Oui, capitaine. Ramège, appela le capitaine. Ramège se présenta. C'était un petit homme ratatiné, cassé, laid, de figure chafouine. « Tu vas t'emparer de son excellence, » lui dit Cascario. « Tu l'apprendras à pêcher en mer. Je veux qu'aujourd'hui même, son excellence tire au moins quelques poissons de l'eau. »« Le vent est assez bon, » dit Ramège, « que son excellence me suive. » Et il emmena Monsieur le Noël. Tous deux descendirent à l'aide d'une échelle de corde sur les rochers au pied de la fenêtre. Nous disons fenêtre, et ce n'était qu'une trouée, bien entendu. Ramège avait ses lignes sous un coin de rocher. Il initia M. Le Noël à ses pratiques, et après quelques leçons rapidement comprises, ils mirent à l'eau leurs engins. Un quart d'heure plus tard, M. Le Noël retira de l'eau une énorme dorade. Il en oublia sa captivité.